Philippe, trop fort. Il y a que Titi qui est raisonnable. Bien, bien. Bon, baissez-vous un tout petit peu. Et moi, je dois être fort aussi, non? Thank you. Thank you. reviennent à la charge. Ces trains qu'on rêve, qu'on peut vivre sans foi. Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Solitude, digne au milieu de silence. fond de nous qui nous font veiller tard. Les parties étaient pas mal. Avec le truc de LV, hein, c'était pas mal. Oui, avec la basse, c'était 100 fois mieux. Thank you. casse-couille pour ça, mais j'ai faim. Salut à tous.